Une vraie calamité décembre vient de se montrer. C'est la triste fatalité, le temps des fêtes va arriver. Et quand je pense au réveillon, c'est comme si j'avais les oreillons. Horreur, j'entendis des dons, c'est matin, j'ouvre à reculons. Elle va passer la soirée à distribuer ses becs mouillés. Oh, s'il te plaît, ma tante, pitié cette année. Je veux pas de becs mouillés. Je veux pas de becs mouillés. Oh, mes amours, venez ici que je vous embrasse. Hey, toi, sauve-toi pas, t'as pas eu ton métaphore. C'est pas le vrai coup de patte de cochon qui me tombe sur les rognons. C'est cette attaque de postillon aussi pire qu'une inondation. Elle va passer la soirée à distribuer ses becs mouillés. Oh, s'il te plaît, pitié, ma tante, cette année. Je veux pas de becs mouillés.